Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Game Ozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 14 août, nous souhaitons... Mardi. 14 août, nous souhaitons une bonne fête au Evrar, ça vient du germanique puissant ours sauvage. Evrar est un être bouillonnant, autoritaire, ambitieux, confiant en lui-même et passionné. Cet homme d'action a besoin de se dépenser physiquement et d'aller de l'avant. Il en impose de prime abord et apparaît comme quelqu'un de fort, sérieux et digne de confiance. C'est souvent aussi un caractère trempé, poussant parfois jusqu'à la contradiction, l'arrogance, qui déteste la flatterie et les contraintes. Impatient, doué d'une agilité d'esprit surprenante, il peut se montrer aussi irritable, très nerveux, agressif et même violent lorsqu'il estime que les bornes risquent d'être dépassées. Il sait surtout être agréable, très responsable, curieux, adaptable et n'hésite pas, le cas échéant, à se remettre en question. L'aventure et la nouveauté ayant tendance à le stimuler. Il hésitera d'ailleurs souvent dans sa vie entre son sens des responsabilités et du devoir, son esprit de famille et l'envie de tout remettre en cause, de vivre pour lui et non pas pour les autres. Selon les époques ou selon les circonstances, ce sera une tendance ou l'autre qui l'emportera. Evrar apparaîtra le plus souvent comme une épaule stable et solide sur laquelle s'appuyer, même s'il préférait être un peu moins responsable des autres, alors qu'on profitera le plus souvent de sa serviabilité et de sa manière de prendre les choses au sérieux. Dicton du jour, temps trop beau en août annonce hiver en courroux. Célébration internationale au Maroc, c'est la fête nationale et au Paraguay, c'est la fête du drapeau. Et ça s'est passé un 14 août 1832, indépendance de l'Équateur, 1971, indépendance du Bahreïn. On marque tout de suite une première pause musicale avec David Hallyday et le titre « Tu ne m'as pas laissé le temps ». Je reste avec mes souvenirs, ces morceaux de passé, comme un miroir en éclat de verre. Mais à quoi ça sert, ce que je voulais te dire, reste sur des pages blanches, sur lesquelles je peux tirer un trait. C'était juste hier. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. On devrait toujours dire avant l'importance que les gens prennent tant qu'il est encore temps. Mais tu ne m'as pas laissé le temps. Toi qui m'as tout appris et m'as tant donné, c'est dans tes yeux que je grandissais et me sentais fier. Pourquoi sans prévenir, un jour tout s'arrête et vous laisse encore. Sur terre. c'est le temps. David Hallyday sur RGM, il est presque 8h37, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Ils sont nés un 14 août 1927, naissance de Roger Carrel, comédien français, voix majeure du doublage, connu pour avoir été la voix de nombreux personnages mythiques tels que Astérix, C3PO, Mickey Mouse, Alf, Winnie l'ourson, Kermit la grenouille, Bénil ou encore Hercule Poirot. 1934, naissance d'André Boniface, qui fut joueur de rugby français de 1951 à 1972 en jouant d'abord à Dax et ensuite au Stade Montois. Il a remporté 4 tournois des 5 nations en 1954, 55, 59 et 62, champion de France de rugby à 15 en 1963 et finaliste en 53 et 59. 1945, naissance de Steve Martin, acteur humoriste américain, vu dans Le Père de la Mariée 1 et 2 dans le rôle de George Banks. Les Looney Tunes passent à l'action dans le rôle de Monsieur Sherman, 13 à la douzaine, 1 et 2 dans le rôle de Tom Baker, ou encore La Panthère Rose, 1 et 2 dans le rôle de Jacques Clouseau. 1946, naissance d'Antonio Fargas, acteur américain, connu pour son rôle de Guy Les Bons Tuyaux dans Starsky et Hutch, et vu également dans la série Tout le monde déteste Chris dans le rôle de Doc. 1959, naissance de Marcia Gay Harden, actrice américaine, vue dans Rencontre avec Joe Black dans le rôle d'Alison Parrish. Mystic River dans le rôle de Celeste Doyle, le sourire de Mona Lisa dans le rôle de Nancy Abbey, American Gun, Into the Wild, la trilogie 50 nuances de Grey dans le rôle de Grace Trevelyan Grey et actuellement dans la série Code Black dans le rôle du docteur Leanne Rorich. C'est également l'année de naissance d'Irvin Johnson Jr., dit Magic Johnson, ancien basketteur américain ayant fait carrière de 1979 à 1996 pour les Lakers de Los Angeles, avec lesquels il a remporté 5 titres de champion en 1980, 82, 85, 87 et 88. Et lors de ces titres, il a été élu 3 fois meilleur joueur des finales NBA. Il a également remporté 3 titres de meilleur joueur de la Ligue. C'était en 87, 89 et 90. 1963, naissance d'Emmanuelle Béart, actrice française, vue dans Manon des Sources, film pour lequel elle a obtenu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. J'embrasse pas, Rupture, Mission Impossible, 8 femmes, Disco ou encore Les yeux jaunes des crocodiles. 1966, naissance d'Ali Berry, actrice américaine, vue dans Le Dernier Samaritain, La Famille Pierre à Feu, X-Men 1 et 2, X-Men L'Affrontement Final ou encore X-Men Days of Future Past dans le rôle d'Aurora Monroe alias Tornade, vue dans Opération Espadon, À l'ombre de la haine, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, meurt un autre jour dans le rôle de Jinx dans Gothica ou encore Catwoman dans le rôle de Catwoman. C'est également l'année de naissance de David Hallyday, chanteur français, 1968, naissance de Catherine Bell, actrice américaine, vue au cinéma dans Bruce Tout-Puissant et Evan Tout-Puissant dans le rôle de Suzanne Ortega, dans la série Jacques dans le rôle du lieutenant-colonel Sarah McKenzie ou encore la série American Wives dans le rôle de Denise Sherwood. 1973, naissance de Romane Bohringer, actrice française, vue dans le Colonel Chabert, Portrait chinois, Le bal des actrices, la série Nos enfants chéris ou encore Le tueur du lac. 1974, naissance de Christopher Gorham, acteur américain, vu dans la série La vie à 5, Buffy contre les vampires, populaire dans le rôle d'Harrison John, Felicity, Jake 2.0 dans le rôle de Jake Foley, NIH Alert Médical dans le rôle du docteur Mills McCabe, Ugly Betty dans le rôle d'Henry Grubstick, Covert Affair dans le rôle de Guy Anderson ou encore Once Upon a Time. C'est également l'année de naissance de Thomas Sisley, humoriste et acteur français, vu au cinéma dans Largo Winch 1 et 2 dans le rôle de Largo Winch, vu également dans Kidden, bientôt dans Lucky Day, vu dans la série L'Immortel, Navarro, la saga de l'été méditerranée, dans le rôle de Mehdi, Les Innocents dans le rôle de Ronan Berg. 1983, naissance de Mila Kunis, actrice américano-ukrainienne, vue dans Black Swan dans le rôle de Lily alias Le Cygne Noir, Sex entre amis dans le rôle de Jamie Rellis, Ted, Le Monde Fantastique d'Oz dans le rôle de Theodora, Blood Ties, Bad Moms 1 et 2 dans le rôle d'Amy Mitchell, actuellement au cinéma dans L'Espion qui m'a largué dans le rôle d'Audrey, apparu dans la série 7 à la maison et la série Z70 Show dans le rôle de Jackie Burkhart. 1984, naissance de Robin Söderling, ancien joueur de tennis suédois qui a fait carrière de 2001 à 2015, qui a été numéro 4 mondial en 2010, deux fois finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open et huitième de finaliste à l'Open d'Australie, et il avait également remporté une World Team Cup en 2008. 1985, naissance de Shea Weber, joueur de hockey sur glace canadien, qui de 2005 à 2016 a joué pour les Predators de Nashville et depuis 2016 il joue pour les Canadiens de Montréal. En 1972, décédé Pierre Brasseur, acteur français, père de Claude Brasseur et grand-père d'Alexandre Boisseur, vu dans L'Arche de Noé, Le Secret de Monte Cristo, Rasputin ou encore Napoléon. En 1988, décédé Enzo Ferrari, pilote automobile industriel italien, fondateur en 1929 de la Scuderia Ferrari, écurie de course qui allait devenir une pionnière puis un pilier du championnat du monde de F1. Et il a créé en 1947 la firme qui porte son nom et qui conçoit, fabrique et commercialise des voitures de sport de très très très haut de gamme. 2006, décédé Bruno Kirby, acteur américain, vu dans Le Parrain 2 dans le rôle de Clemenza Jeune, Good Morning Vietnam dans le rôle du lieutenant Stephen Hawke ou encore Quand Harry rencontre Sally dans le rôle de Jess. On marque tout de suite une petite pause musicale avec Kygo et Miguel sur le titre Remind Me to Forget. It never fades away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your friend, to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. You left your mark. You left your mark, reminding me to forget. You left your mark. Raigo et Miguel sur le titre Remind Me to Forget sur le 107FM, presque 8h47. Et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Alors, il y a encore de la grisaille ce matin, mais les éclaircies vont vite apparaître. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 22 et 24 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi, belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 24 et 26 degrés l'après-midi. Jeudi, journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés pour jeudi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on parle tennis avec le tournoi de Cincinnati. Côté féminin, hier, la qualification d'Alizé Cornet en 3-7 face à Ostapenko, 1-6, 7-5, 6-0. Mladenovic a bénéficié de l'abandon de Georges pour se qualifier. Keys s'est qualifié en 3-7 face à Matek Sands et Serena Williams s'est qualifiée en 2-7 face à Gavrilova. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Kuzmova, Caroline Garcia sera opposée à Azarenka, Serena Williams affrontera Kvitova, Venus Williams affrontera Sakkari et Svitolina sera opposée, je vais y arriver, à Kuznetsova. Côté messieurs, Lucas Pouille s'est qualifié en 3-7 face à Andy Murray, 6-1, 1-6, 6-4. Benoît Paire s'est qualifié en 2-7 face à Ferrer, 6-2, 6-2. Jérémy Chardy s'est qualifié en 2-7 face à Verdasco, 6-1, 6-2. En revanche, Richard Gasquet s'est incliné en 3-7 face à Kereno Busta, 6-3, 2-6, 6-3. Djokovic, lui, s'est qualifié en 2-7 face à Johnson, 6-4, 7-6. Et à noter que Stan Wawrinka s'est qualifié en 3-7 face à Schwartzman. Aujourd'hui, Lucas Pouille affrontera Mayer. Il y aura également Goffin face à Tsitsipas, Federer opposé à Gojovzik et Edmund à Chapovalov. Et on termine avec du football, de la Coupe de la Ligue ce soir avec Nancy qui reçoit le Red Star et Metz qui reçoit le club de Grenoble Foot. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Kyo. J'ai été chercher dans les archives celle-là. C'est Le Chemin avec Sita. Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre. Qui nous rouge, on a changé, ah, là, là. Le chemin Kyo et Sita sur RGM est presque 8h53. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on va faire un petit point sur le programme d'aujourd'hui. À 9h, durablement vôtre. À 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. 16h, rediffusion de Memento Mori. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'ai mais je vous le lis avec Dominique. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Et oui, je fais un petit break. Je vous souhaite un bon 15 août, de bonnes vacances, un bon pont, enfin voilà, une belle journée. Profitez bien du beau temps et je vous dis rendez-vous lundi matin. Ciao, bye bye.